La la la la la. Des enfants qui s'élancent, une même apparence, des éclats de soleil, des rayons d'innocence. Avant la malchance, y a-t-il un sort, un signe, est-ce un doigt qui désigne celle ou celui qui va renoncer pas à pas. La, la, la, c'est quoi les accords? La, la. C'est quoi les accords? La, la, la, la, la, la, la, la. C'est qui fait la basse là? La, la, la, la, la, la. Oh Ben, t'es de retour, remets-nous de la drum. La drum, mais je peux pas, attends. La, la, la, la, la, hey, y a un batteur là, regarde. Y a Simone. Simone. Y a un batteur. What's the chord? The chord? Enfants qui s'élancent, ils n'ont pas de chance. J'ai peur de tout, j'ai peur de tout, j'ai peur de rien. C'est pas l'heure. J'ai peur de tout, j'ai peur de tout et j'ai peur de rien. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Simone, drum, por favor. J'ai peur de tout. J'ai peur. Je peux accorder, ça va, non? Comment la Simone? Does the BPI is correct or not? Charlotte, c'est quoi le BPI là? Genou de la drama. La la la la la. Ah merde, je suis pas sur la bonne piste. Je vais la mettre sur l'autre piste, la guitare. Tac, 3, 4. Je n'ai peur de rien. Hey, hey. Et j'ai peur de tout. C'est joli ça, hein, c'est à toi. Je n'ai peur de rien. Da, da, da, da, da, da. I'm Dalton, but it's... Oh merde, tu avais un coup de fil, j'ai pas entendu. Et... Ah merde, putain, c'est quoi ça? J'ai non, ça va pas. Qui crache. Le BPI. Qui m'a appelé? Ah. Écoute, j'en sais rien parce qu'ils sont arrivés, ils ont joué comme c'était. Hein. Double basse est parti, ils sont restés dans le truc. Je reviens, téléphone. Ouais, il faut changer le BPI. Qui me coince là. Et peut-être en passant par là, ça sera mieux. Ok. Are you ready to sing with? Come on, paroles, Charles. C'est la chanson de Charles. 3. C'est quoi les accords? 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est quoi les notes que je chante juste? D sol. C'est pas Sharon. Non, je sais pas, je dis au hasard. C'est pas Sharon. Parce que tu joues toujours à l'oreille. Tu sais, Sharon. Le bassiste, yeah. C'est tout ça que j'arrive pas à faire. Doudoulou, doudoulou. je ne trouve pas de paroles à cette chanson. Thank you. tempted you in alto cielo. E volo, volo con me, il mondo è il mate perché dell'amore. Vano uno vedrai e tutti sbagliato su di noi perché ti amo su di noi se avresti come sotto su di noi mi vendi un sorriso tu se lo vuoi cantare sognare sperare così su di noi gli amici dicevano no vedrai è tutto sbagliato su di noi nemmeno una nuvola su di noi l'amore è un favola su di noi se tu vuoi violare su di noi su di noi nemmeno una nuvola su di noi l'amore è una favola su di noi se tu vuoi volare su di noi lontano dal mondo portati dal vento Non chiedermi dove si va. Stesso momento per fare l'amore. Gola mi stavi vicino e non mi accorgevo di quanto importante eri tu. Adesso ci siamo. Adesso ci siamo. Fai presto, ti amo. Non perdere un attimo in più. Su di noi nemmeno una nuvola. Su di noi l'amore è una favola. Su di noi se tu vuoi violare. Su di noi se tu vuoi ballare. Su di noi ancora una volta dai. Su di noi se tu vuoi ballare. Ci porta lontano nei campi di grano. Nascono dentro di me dei sogni e poi viti di due in un modo. Ai ai ai! Caramba! Su di noi nemmeno una novella. Su di noi l'amore è una favola. Su di noi se tu vuoi volare. Su di noi, ancora una volta dai. Su di noi, se tu vuoi volare. Su di noi, su di noi. Su le parole, su di noi. Je te donne la première, la première. Ouais. La première. Su di noi ci avresti scommesso tu. Su di noi mi mangi un sorriso di tu. So io vuoi cantare, sognare, sperare così. Su di noi gli amici dicevano non verrai. E tutto sbagliato. Que celle-là. Su di noi abbiamo un nuovo. Su di noi l'amore è una favola. Su di noi se te vuoi volare. Su di noi se tu vuoi volare. Su di noi nemmeno un giovane. Su di noi l'amore è e tu vuoi la bella vita. A propos de nous, au-dessus de nous, tu aurais parlé sur nous. A propos de nous, tu me revends un sourire. Si tu m'entends chanter, rêver, espérer comme ça à propos de nous. Les amis disaient non, tu verras, c'est faux. Loin du monde, emporté par le vent, ne me demande pas où on va. Nous deux en respirant au même moment, pour faire l'amour ici-là. Tu étais près de moi et je ne réalisais pas à quel point tu étais important pour moi. Maintenant que nous y sommes, dépêche-toi, je t'aime, ne perdons plus un moment. Soudinoy, Soudinoy. Soudinoy, Soudinoy, si ci avresti scommesso tu su di noi. Moi je fais que les sous di noi. Sous di noi. Je fais que les sous di noi. Et toi, d'accord? Sous di noi. Je te laisse la suite. Cantare, sognare, sperare così su di noi. Su di noi. Su di noi. Ouais, j'en rajoute quelques-unes. Su di noi. Si avresti scommesso. Su di noi. Oh putain, le mot. Su di noi. Si avresti come so tu, mi vendi un sorriso tu, cantare, sognare, sperare così, gli amici ne sanno. Su di noi, su di noi, ti avresti scommesso tu, su di noi, mi vendi un sorriso, mi vendi un sorriso, un chorizo, un corizo tu, du vin, du chorizo. Fais-moi passer un petit morceau de chorizo. Fais-moi passer un verre de Porto. Allez, à la uno. Fais-moi passer un petit morceau de chorizo. Fais-moi passer la bouteille de Porto. Surinoi. Surinoi. Surinoi. Su di noi, si avresti scommesso tu, su di noi, mi vendi un sorriso tu, se lo vuoi cantare, sognare, sperare così su di noi, gli amici dicevano non vedrai tutto sbagliato, su di noi. Su di noi, su di noi, l'amore è una favola. Su di noi, se tu vuoi volare. Su di noi, l'amore è una favola. Su di noi, se tu vuoi volare. Su di noi, su di noi, su di noi, su di noi, su di noi. Su di noi, su di noi, su di noi, on va chanter entre nous, moi je sais chanter italien aussi, pas de problème, je vais te la faire, en version Renault. Et moi, j'y comprends rien. J'en ai marre de cette chanson qui ne rime à rien. On n'en a rien à foutre de toute façon. On n'en a rien à cirer de ces paroles à la con. Pourquoi on s'emmerde de toute façon? Personne n'y comprend rien, même les Italiens, même pas eux. Soudinoy! J'étais devant ma télé, je regardais l'Assemblée nationale. Soudinoy! Mais qui c'est celui-là? D'où il sort? Pourtant, on comprend rien! On va retourner bosser. J'en ai marre de cette société. Parce que ça fait 2 mois presque que je me fais chier. Je veux remonter sur mon VTT. Je veux dévaler des pistes dans ma montagne. On m'interdit, on me dit tu mets un masque, tu mets des gants et même une visière. Déjà, je n'ai pas de visière sur mon casque avec ma mobilette. Je vais pas me faire chier, aller faire mes courses avec une visière. Ça me fait chier ce pays, j'ai envie de me barrer. Le problème, c'est que c'est partout pareil dans le monde entier. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête tout? On continue le confinement? Ça me fait chier, j'en ai plus de ce pays, je vais me barrer. J'en ai marre de cette chanson. Sortez sur vos balcons, allez à la fenêtre, à la verticale, à l'horizontale. Chantez entre voisins, c'est pas banal. Dans la rue, y'a pas un chat, pas un chien, pas un gars. Chacun reste chez soi, sans moufler, et c'est la loi. Masqué jusqu'aux oreilles, ne sortez pas, on vous surveille. Dommage, il fait soleil. Sortez vos têtes de vos balcons, de vos fenêtres, à la verticale et à l'horizontale. À l'Ada Burka, au violon de Chantal. Coronavirus, on te chantera en italien ou en russe. Va te faire voir sur une Uranus, connard de virus. On dit que c'est la guerre, pure perte. On dit que c'est la guerre, plus personne en plein air. Dehors c'est le désert, dans le frigo y a plus de bière. On ne sort plus, sans nez, on est tous condamnés à rester confinés, vieillards ou nouveau-nés. Sortez vos têtes de vos balcons, de vos fenêtres, à l'horizontale, à la verticale. Chantez, chantez, c'est pas banal. On a marre de France Info, du Corona, en boucle à la radio. On préfère chanter les noces de Figaro ou Bella Ciao. Bella Ciao. Le télétravail, Bella ça ciao, rame et ça déraille. Ciao, ciao. J'en peux plus de la marmaille, je raille et je défaille. Journée en tête à tête avec le daron, ça pète. Il est temps que ça s'arrête. Sortez vos têtes de vos balcons, sortez de vos fenêtres. Sympa la pute. Coronavirus, on te chantera en italien ou en russe. Va te faire boire sur Uranus, espèce de connard de virus. Si t'as plus de pécule à toi dans le lavabo, pas de problème, ça s'évacue, c'est cool, c'est écolo. Calme-toi, Jean. Pas sous à la javel, ton cellier, ta terrasse. Emplis tes paperasses, fais 10 fois la vaisselle. Marre d'être morose, même si c'est normal de se sentir toute chose. Passe-moi les paroles de la vie en rose. Et on est confiné, c'est pour la bonne cause. Les voisins s'engueulent pendant que je médite. Moyen de se sauver, de supporter qu'elle mérite. Va falloir inventer, innover, imaginer. faire de la musique, chanter, rigoler. Sortez vos têtes de vos balcons. Nostradamus n'avait pas vu venir ce charmant virus. Quel manque de flair, ces héros rasibus. Du Sartre et du Hugo, du Charlie Hebdo. Marre France Info, du Corona, on boucle à la radio. On peut faire chanter les noces au Figaro. Non mais un funk, du funk, funk, funk. Pastis. Et il me dit, la chanson la plus connue. Quand il me prend dans ses bras, il me dit de tout bas. Je vois la vie en rose. Il m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la chose. Cause. Eh, hey, la vie en rose version, version funky. Tu vas la chanter, chère Rose. Julian, Giuliano, Funky Bass. D'accord. Est-ce que tu veux la chanter? Funky version. Je la veux en version funky. Si, seigneur. Attends, laissez tous se mettre en accord avec tout ça. Ok, ok. Do you need more BPM? Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie. Quand il me prend dans ses bras et qu'il me dit tout bas, je vois la vie en rose. Ça va trop vite. C'est trop rapide. c'est, je trouve, un peu rapide. Moi, je peux pas la chanter. D'amour, d'amour. Quand il me prend dans ses bras, Giuliano. Il me dit des mots d'amour. 90. Ouais, 90. C'est bien, 90. Voilà. Alors après, il faut le nombre de mesures, je sais plus combien c'est. D'amour, des mots tous les jours. Et il chante, ça Benjamin, fait quelque chose. Il chante tout seul, Benjamin. Après, j'enlève la voix. 3, 2, 4. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Il me parle tout je bas. Je vois la vie en rose. Je vois la vie en rose. Il me dit d'amour. Des mots de tous les jours. Et ça me fait quelque chose. 16, c'est bien. Il est entré dans mon cœur. Une. Il me dit des mots d'amour. Des mots de tous les jours. Et ça me fait si quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Quand c'est lui il pour me moi, pour lui. Il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Et faut faire attention à dont je connais la cause, ça remonte. Des mots d'amour, des mots de tous les jours. Et ça me fait quelque chose. Il est il me prend dans ses bras. Une parle tout bas. Je vois la vie en la rose. C'est il lui pour me dit des moi, mots d'amour. Des vie. Mots de tous les jours. Il me l'a et dit ça me fait jour. Quelque chose. Il est entré dans mon cœur. Une part de bonheur dont je connais la cause. C'est... Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête, Sharon? Lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Oh merde. Qui c'est qui a mis BPM 64? C'est le BPI! De tous les jours. Oh le piano! Ça fait quelque chose. Il est entré dans allez, mon cœur. 3, 2, 1. Une part de bonheur. Dont je connais la cause. Allez, au prochain tour. Mais pourquoi on a que 16, on n'a pas 64. C'est 64, tu veux tout le truc. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je attends. Vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Ah merde. Quand il me prend dans ses... Ah merde, il manque une mesure. Ah, non, il manque une mesure. Mais non, mais pas 64 le BPM. Putain, il en manque, il en manque, il en manque, il en manque, il en manque. C'est 64 le BPI et 90 le BPM. Il manque des mesures.